Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 25e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. من المؤذن؟ ما معنى نادى ينادي استعد يستعد كبر يكبر ظن يظن صائم إفطار زائر دارس ركوع سجود رفع يرفع رفع لبن نشوف وصلوا معلم التشهد التشهد شكون quand, comment, avec, quoi avec ma vocation qu'on fait en position assise en prière. Non. Intaha yantahi. Arrêtez, il peut finir. El musalli. Celui qui fait la prière. Tamarin kam, min ad-dars, al-khamis wa 20. Makam. الأول والسادس من الخامس وعشرين نعم أيوة في واحد فقط في دون الدرس 25 كان أنسل في دون الدرس 24 كان أنسل في دون 25 كان أنسل في دون 25 كان أنسل في دون 3 ايوه يا وسيم انت تصلي نسيت قلت لك ما معنى وحده صفحه 168 لا ولا نسالك في كلمات يوبيل اون بروميت كومونسي بار الدرس الرابع J'ai sauté un cours là, dans le vocabulaire. C'est pas grave. Wahdaou. Voilà Wahdaou. Toi seul. Lui, c'est. Lui, c'est. Juz'un. Une partie. Jama'a. Un groupe. Amana yu'minu. Je crois. Da'a yad'u. دعا يدعو لا لا تكون أزياء C'est pas possible, tu connais pas. Da'aïa de haut. Oudou Rabbak. Ah, ok. Ouais. Salla yusalli. Prier. Non. Et dans celui-là. Dans celui-là, oui, il y en avait un. Et dans l'autre, il y en a deux. C'est le Khamis. طيب ابن الفراغات في الجمل الاتيه باختيار كلمات مناسبه لما يلي طيب الجمله الاولى عندك هل حديث الشريف هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم نفس النبي ثانيا الصلاة في الجماعة في الجماعة في الجماعة أفضل من صلاتك صلاتك صلاتك من صلاتك من صلاتك نعم صلاتك صلاتك نعم صلاتك نعم صلات ou qui ou quel ça dépend qui tu parles le plus important c'est la haraka qui est sur le tas صلاتك صلاتك نعم ثالثا ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا نعم رابعا الذي يؤمن بالله يقول خيرا نعم خامسا محمد يقرا جزء من القران ها جزءا ثم هنا في دو يبي السايس عشر فور اي اي اي تمام السؤال الأول من سمع المؤذن ينادي للصلاة محمد سمع الأذان محمد سمع ثانيا من أية ركعة بدأ محمد وعبد الله الصلاة Les deux frères là, ils ont. Il y a Bada. Il n'y a pas mis un livre. Qu'est-ce que tu as Bada à Moi, j'avais pris la question. Hein Bada, s'il y a mis un livre, c'est Bada. Ouais, mais là, dans le. Le verbe là, il vient avant le fa'il. Dans ta phrase, ça a commencé par le Muntada. Donc le fa'il doit le suivre. Pas pareil. Comment tu as écrit Bada à toi Moi, je l'ai mis comme dans la question. Eh ben non. C'est toi qui as dit Mohamed ou Abdullah. Bada'a. Là, c'est qui va t'en aller, Alif Lesnein. Ça vient à Mohamed Abdullah. Bada'a. Parce que là, ils sont arrivés après le verbe. Toi, tu les as mis avant le verbe. Oui, mais ça revient quand même à eux. Ça revient quand même à Mohamed et Abdullah. C'est eux qui ont commencé. Aïe, ouais. Mais donc. Dans la question aussi, ils auraient dû mettre le Alif là. Non, parce que la question ne commence pas par eux deux. Et pas, là, c'est pas eux le Moutada, on l'a pris ça dans l'exercice la dernière fois. Taïb, quel mot la karatène ? Salat ou l'As ? Salat ou l'As, Arba'ou. Ayyuma l'awwal, Aroukou ou Amisujoud ? السجود أم الجلوس؟ السجود قبل الجلوس. نعم. 19. Imla al-faraghat bi kalimat munasiba. طيب الجمله الاولى عندك مسلمون طيب ثانيا يقول الإمام عند الركوع التكبير لا التسبيح لا سي عند سي pardon en fait سبحان ربي العظيم لا تسبيح صحيح ثالثا صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم في أي مكان Là, pour moi, il y a la phrase des. Ah bon? La salade en groupe est meilleure que la salade de l'un d'entre vous. C'est complet? Tu peux être en groupe, sa salade? Aïe, moi. Ou Wardahou, plutôt, parce qu'on s'appelle tous une jamara à la maison. Donc, le mieux, c'est de mettre Wardahou. Il faut être à Hadikoum, Wahdahou. Tout seul, en fait. Arabian. Al-Mu'adhinu, Arabian. Al-Mu'adhinu, Yunadi, l'Israël. Nam. Khamisan. Yalbaru, l'Imam, Khobbat, Jama'a. Nam. المصلون يقفون خلف الإمام. سابعا. انتهى عبد الله استنشاق الوضوء. لا. وضوء ماذا كتبت أنت؟ جي با إكري سولا مي سي إذا أداء الصلاة أداء الوضوء. لا انتهى عبد الله من الوضوء. كمل تكمل الوضوء. من؟ نعم. دفع الوضوء. بدي أوصي أداء كما تجي عبد الرحمن. انتهى أداء الوضوء. ثامنا. استعد محمد لأداء الصلاة لأداء لأداء الصلاة تاسعا ذهب محمد طيب الآن سندخل في الدرس 26 استعدوا لنوت طويل شوية طبعا هيا نذهب لصلاة الجمعة علي نصرون على صلاة الجمعة كلمات جديدة اغتسل يغتسل هسي في الغسل سلافي سلافي تيبب يتيبب سي سي بارفيمي مي دو تيب بارفان تيب كوم ديال سي بارفان القرآن الكريم معروف وكلام الله صف أغو خطبة سيزابل سيرمون ديسكور سيرمون تعلم يتعلم c'est apprendre. Apprendre. Ahabba yuhibbu, c'est aimer. Aimer. Ata yati, c'est arriver ou venir. Ou emporter. Emporter quelque chose. Ça, si tu mets un hafoujardaïa, mais le sens d'origine, c'est. C'est venir ou arriver. Sans hafoujard. Bakkara yubakkiru, c'est venir tôt. Venir tôt. Ou faire une chose tôt, mais là, c'est venir tôt. Alazi yubakkir, c'est celui qui vient tôt. C'est le contraire de ta'akhar. Celui qui vient tard au dernier. Aqama yuqimu, ayli salat. C'est le fait de d'habiller la salat. Oui. Établir, la mettre, la faire quoi. Le fait d'appeler, de faire l'ikama quoi. Pour la salat. Quand tu fais l'ikama, tu qui nous soleil. Appeler pour la salat. Ouais, c'est faire le fait de faire l'ikama. Dis avant la salat. Deuxième appel. Chourouk. C'est le lever. Chourouk Hashem, c'est le lever du soleil. Et le ghuroub, c'est l'axe, c'est le coucher du soleil. Avan, le soleil, ma'alouf. L'avan, c'est l'appel. La salat. Et Bakara, c'est arriver tôt ou faire les choses tôt. À la base, c'est arriver tôt, mais il se peut que ça ait un autre sens. À la base, c'est venir tôt. Al-Jumu'ah, ma'alouf, vendredi. La salat al-Jumu'ah, c'est la salat du vendredi. Nama yanamu, dormir. Shams, ma'alouf, soleil. Je pense qu'on oublie, mais Shams. Quel mot est connu. Takriban, c'est à peu près. Approximativement. À peu près. Approximativement. Kay, ça a le sens de lit, qui veut dire pour. Comme ça va venir. Hina, c'est au moment de. Et au moment de. Ça, déjà, ça va pas dans le texte. Dans le chiwar, mazalna ma Abdillah wa Muhammad. Man Abdullah. Oui, très bien. Donc, où faisons-nous la salade du Jumu'ah? Mohamed dit non, le grand masjid. Et des fois, le masjid de Kabir, ça peut être aussi le masjid principal. Alors, dans une ville, tu as plusieurs masjid. Ce qu'on appelle le Kabir ou le Jamir, c'est le principal. C'est dans lequel se réunissent le plus les gens. Quand débute la salade? Donc, au moment où on attend l'Aven, l'appel à Asnat Ashar. Quelle heure ça? Ça c'est le midi. Non. À 12h, à peu près. Takriban, on dit approximativement à peu près. Abdullah? ونغتسل ونلبس ملابسا نظيفة ونتطيب. Qui dit alors, nous préparons et nous nous lavons et nous revêtons nos vêtements propres et nous nous parfumons. Malabis nazifa, c'est les vêtements propres. نعم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. Donc il dit oui, car le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم aimer le parfum. La focus, c'est plus pour appuyer la chose, en fait, par rapport à en traduire. Certes, on peut dire certes, peut-être, tu vois. Mais là, dans la phrase, là, c'est dur de transmettre ça en français. Fal-nusli'a. À la base, le verbe, c'est asla'a yusli'u. Le fait là, il a été rajouté, et le lem aussi. Le soir, on traduirait par le alors, et le lem là qu'on voit, fal-nusli'u, c'est un lem om, ça s'appelle lem om, c'est pour le fait de mettre un ordre. Vous voyez, c'est une force d'ordre. Comme ça, tu ne peux plus donner des ordres à autre que le mukhatab. À la base, faire l'homme, il vient que pour un ta, ou un ti, ou un tuma, ou un tum, ou un tumda. Mais avec ce lem là, tu peux donner des ordres à autre. Tu peux donner un homme à vous, à Masalem, t'as cool, elle ou elle dit qui, t'as cool, yaskut, kistez, Masalem. Là, c'est Fanan Muslir, qui nous salit. Alors que nous dépêchions afin de parvenir tôt. En fait, ils ont un ordre à eux-mêmes. Ça a fait jazm, ça l'aura plus tard, Inch'Allah. Donc le verbe, c'est pour ça qu'il n'est pas un foukoun. Il est comme l'aime, ou comme avec lequel on a pris encore de le harfou jazm. On a pris l'aime. La dernière fois, ils ont cité l'aïe, là, qu'ils n'ont pas mis dans le texte. Ils n'ont pas mis d'exemple dans le texte. En tout cas, voilà quoi, le fiel et le majzoum après. Ça, c'est Inch'Allah, ça, il y a après, j'ai le deskami. Donc en tout cas, ce l'aime-là, ça s'appelle l'aime amr. L'aime ou l'amr. Donc, il nous serait Kay Nasila Mbakirin. Donc, que nous dépêchions pour arriver tôt. Kay, c'est pour. C'est comme si on disait Li, les Nasila. Mais le verbe qui vient après Kay, il va être Mansoub. Le verbe qui vient après Kay, il va être Mansoub. Il y a une subtilité qui est vraiment Inch'Allah dans notre livre. En tout cas, le verbe qui vient après Kay, il est Mansoub. Mbakirina. C'est le ism fa'il de Bakkar et Bakkir, Mbakkir, pour dire tôt. Nous, on arrive tôt, quoi. L'idakra shi'en mi Qur'an, pour que nous lisions quelque chose ou un peu de Qur'an. Naam, Mohamed. Hassanan, wa kay najlisa fi safi al-awali wa nastami'a ila khutbatayn. Il est très bien. En fait, il y a et aussi Wakei, que nous puissions nous asseoir au premier rang et que nous puissions écouter les deux khutbah. Déjà la première, c'est avant que l'imam s'assied, et la deuxième d'après. Taïeb. Alors, maintenant, voilà, ces textes sont déjà plus intéressants que du début. Hein? Mais on peut faire deux khutbahs différentes dans un jour. C'est le même thème, c'est juste que l'assise c'est une sunna que tu vas s'asseoir. Mais à la base, c'est la khutba, mais un seul thème. Ou alors deux thèmes différents qui s'apportent à un seul thème. Par exemple, quelqu'un qui parle de Yumil, Yamil Jezel, l'Ebad, la rétribution des serviteurs. Dans la première khutba, par exemple, il va parler du paradis, et dans la deuxième, il va parler du feu. Mais les deux reviennent à un seul truc. Peut-être. Mais sinon, à la base, ça va être le même sujet. Si t'es un bon khatib, bien sûr. Maintenant, si t'es un mauvais khatib, ben, tu vas parler de khutbah, tu vas parler, je sais pas combien de choses différentes. À la fin, on dit, c'était quoi la khutbah? Tu dis, je sais pas, il a parlé du jihad. Après, il a parlé du riba, des intérêts. Après, il a parlé de la télévision. Après, il a parlé de. Et à la fin, tu sais même pas la khutbah sur quoi elle était située. Et c'est le méchant empêtré, il a tout confondu. Khutbah, c'est pas facile, en vrai. Enfin, une bonne khutbah, c'est pas facile. طيب اولا استمع وردد écoute et répète اولا متى يبدا وقت الصلاه quand débute ton la salat donc là il va vous apprendre à utiliser comment حين donc le جواب حين ينادي المنادي au moment où le muezzin fait l'appel la حين c'est au moment où ثالثا متى يبدا الدرس quand commence le درس Hina yadkhulu al-mudarris, au moment où rentre le professeur. Khamisan, mata tukli'u at-ta'ira, quand décolle l'avion. Hina fun tusma'u al-nida, au moment où se fait entendre l'appel. C'est-à-dire après le décollage, l'annonce du décollage. Sabi'an, mata yabda'u al-ilaj. Quand débute le soin ? Jawab, hina yasilu at-tabib. Quand arrive, au moment où arrive le médecin. Tasi'an, mata ya'ti as-sabah. Quand vient le matin ou la matinée ? Ashiran, hina shuruku al-shams. Au moment du lever du soleil. Hadi Ashar. Mata ya'ti al-masa. Mata ya'ti al-masa. Yakul, hina, quand est-ce qu'arrive l'après-midi ou la soirée ? Parce que le masa, on a dit, ça vient de quoi ? En vrai, ça vient de l'après-dor jusqu'au milieu de la nuit. Fani Ashar al-Jawab, hina ghurub al-shams. Bah oui, la nuit en fait. Au moment où se couche le soleil. Ghurub. Naam. C'est quitter, non ? Coucher. Coucher. 13. Matin, Jumu'ah. Quand te lèves-tu pour la salat du Jumu'ah ? Au moment où j'entends le premier azan. Et ça, n'ahouk l'azan al-awwal, le Jumu'ah. الأذن الأول الجمعة ما حكمه؟ c'est quoi le jugement qui se rapporte au fait de faire le premier أذن الجمعة avant que l'imam ne se mette sur le minbar؟ c'est un خلافة qui est c'est Rahman qui l'a fait. Cependant cet acte ne porte la sunna. C'est un ijtihad de lui qui l'a fait. voyez بوخيل هدي هدي محمد لما يجي جديد سيجي جديد محمد. Et ça, c'est une des choses qu'ils ont essayé de faire croire à Shayahia qu'il a rendu Hoffman Moubtadia. Ouais, alors, c'est pas vrai. Mais l'action en même de Hoffman, c'est une, ce qu'on fait comme bid'a. Et des salafs l'ont dit. Ibn Orman l'a dit. Même les salafs l'ont dit. Chez Mouhdef. Ils ont dit qu'il fallait pas le faire. Lui, il a fait pourquoi ? Pour un intérêt du fait que les gens n'entendaient pas dans les souks ou dans les lieux qui avoisinaient le mosquée, ils n'entendaient pas l'appel. Donc lui, pour une maslaha, pour un intérêt, il faisait un premier appel pour leur faire un tambi, attention, la salat elle est bientôt. Donc il se prépare. Mais aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire même ce que Hoffman il a fait, aujourd'hui les gens ils font pas comme ça. C'est-à-dire là c'est dans le mosquée, le sujet il fait la veine, ils s'en vont, on est tous là. Je ne sais pas pourquoi il fait la veine. Après l'imam il arrive, ils vont sur le minbar, et là ils font la veine. Et c'est celui le vrai azan du jour. C'est celui où l'imam il monte sur le minbar. Et c'est celui qui avait lu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait d'Azan avant, je ne mourrai jamais. Ça c'est une chose nouvelle qui a été faite. Lakin kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa asab falahu ajran, wa iza akhta falahu ajr. C'est-à-dire celui qui émet une fatwa ou quoi, et qui, bien sûr qui est sincère, s'il émet un jugement, s'il se trompe, il a une seule récompense pour les chiites qu'il a fait. Et si jamais il a atteint le but, il a raison, il a deux récompenses. Nous on a pris ce hadith-là sur Hoffman. Mais les gens derrière, quand on leur donne le coup de dire que le prophète Mohammed sallam n'a pas fait, on n'a pas à le faire. Othman, le sahabi, son fi'al ou sa parole, ce n'est pas un dalil à la base. À part si il coïncide avec un hadith. Mais s'il fait une chose, il n'a pas de dalil derrière, et que d'autres sahabas l'ont contredit là-dessus, ce n'est pas un argument à prendre. Et notre Mohammed a dit que ce hadith c'était une bid'a. Donc le fait de tomber sur Shariah comme ça, comme s'il ne réfléchit pas quoi, Shariah dans son livre, Arkham Jumu'ah, il est lutte à côté de ça, là, c'est pas son jugement à lui. Tant mieux les contemporains, les Charles Bani, Charles Moubi, ils nous disent, il ne faut pas le faire. Ça veut dire, il ne faut pas le faire. Vous voyez ? C'est Hoffman qui l'a fait, et nous on a été ordonné de suivre Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et aussi de suivre les quatre califes bien guidés, cependant quoi ? Lorsqu'ils ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou une chose, ils ont fait shihad, et qui ne contredit pas la sunna. Donc ça c'est du cinéma qu'ils ont fait juste pourquoi Salih Shayahia dire que les Shayahia c'est pas le premier à l'avoir dit. Donc s'il dit ça, normalement il dit bid'a. Ils vont nous dire quoi à lui ? On vous défie de parler sur lui, si vous êtes des hommes. C'est juste que ça, ces gens-là, c'est pas le haq qu'ils veulent, c'est juste salir l'image de quelqu'un. Voilà. Donc ce Azan Awel, voyez, c'est pas le sunnah du tout. Malheureusement, elle a été propagée entre le sens et la preuve que c'est pas le sunnah. Aujourd'hui, il arrive à un stade où il fait n'importe comment. Ils font même pas comme Hoffman il l'a fait. Ça n'a rien à voir comment ils le font. Ça n'a rien à voir. Et tu leur dis, vous faites pas ça, ils font des issues, mon frère, on dirait que tu fais rouquia. Donc, l'Azan al-Awwal, le Jumu'ah, lorsque l'imam, il monte sur le minbar. Et l'Azan al-Thani, c'est l'Iqama. au moment où l'appel ne fait pas ça. Cette phrase-là, elle sous-entend une innovation, là, en fait. Eh oui, mais c'est juste qu'il est répondu. Dans plein de pays, tu vas trouver ça. C'est devenu une sunna pour les gens, tu vois. Ça dépend chez qui tu vas. Donc mettre parmi les mots là, exposés, entre parenthèses, on les trouve. Tanamu, tu dors. Tusri'u, tu te dépêches. Min asra yusri'u, se dépêcher. Tadhabu, ma'ruf, tu vas. Ta'ti, tu arrives. Takra'u, tu lis ou tu récites. Tatrulu, tu rentres. Tardizu, tu réserves. Tasma'u, tu entends. Takriban, à peu près approximativement. Non. Juste on lit les phrases pour faire bien compris. Comprise. Aboulen, Sayokim Sola, Hina M El Avan. Donc la salat va être établie au moment où l'Avan. Fanien, Satusafiru, Hina M Makadan. Tu vas voyager au moment où tu assièges. Farisan. Satatakaddam, Fidjirasa, Hina, Kathiran. Donc tu vas évoluer. Tatakaddam, c'est en fait c'est avancer, mais là il veut dire que tu vas progresser. Dans les études, au moment où beaucoup. Rabian, Tatatakallam, Elkitabata, Hina, Fara, El Madrasa. Tu vas apprendre l'écriture au moment où, ou quand tu trouves l'école. Khamisan, Fatushahidu, El La'ib, Hina, Fara, Il El Mal'ab. Donc tu vas voir les joueurs au moment où tu es un jeu au stade. L'exemple, celui-là, il est qabih. Sadisan, sta'alifu al-natija hina fara min al-mukhtabar. Donc tu vas connaître les résultats au moment où du laboratoire. Sabian, satasilu mubakkiran hina fara fil mashi. Tu vas arriver tôt au moment où trop dans la marche. T'as dit ton allure, quoi. Faminan, satajidu erraha hina fara qalilan. Tu vas trouver le repos au moment où un peu. Wa alaykoum as-salam. Tasian, il en reste encore. Satuhbitu al-ta'ira fi sa'ati tasi'ati tamaman wa fayadkhulu rukab sarat as-safar fi tasi'ati wa nisf. Donc il dit, l'avion va atterrir à 9h pile et les passagers vont rentrer dans la salle d'accueil ou de voyage, d'embarquement ou d'arrivée plutôt. Fitasia Wadis, à 9h30, et là il faut mettre le mot à mettre dans le trou. Allez, maintenant il va vous apprendre quoi? Le lem amr qu'on vient de prendre là. Pour pouvoir donner un ordre à autre que Al-Bukhatum. Fa'alifan, istami ou raddid. Fa'alifan, kay. Nasil Mubakirin. Donc, que nous dépêchions afin d'arriver tôt. Fanien, Fanatrul, Kei Natanawela, Cheyen Netaan. Que nous rentrions afin de pouvoir prendre quelque chose à manger. Donc, comme vous avez dit, le fa et le lem, c'est deux. C'est Hadan Harfan, Tayyib, Dahilan Al-Fian. Il faut t'ajouter. C'est obligatoire aussi le fait. Là. Ça dépend de ce que tu veux dire devant. Falifan. Falnasil mbakirina kei najisa fi saf al-awwal. Que nous arrivions tôt afin de nous asseoir au premier rang. On a dit kei, le verbe qui vient après kei, et morceau. Donc il y a une fatra ou les choses qui remplacent la fatra. Rabi'an. Falanstarid que nous salia al-Jumu'a, que nous préparions afin de pouvoir faire la salat du Jumu'a. Khamisan, Falnardiz que natamakken min al-Safar, alors que nous réservions afin que nous puissions entreprendre le voyage. Tamakkena, yani c'est un sens vaste qui veut dire avoir le contrôle d'une chose, expérimenter, ou avoir la possibilité de faire une chose. Donc là, c'est plutôt que nous puissions voyager, quoi, en fait. C'est quoi de posséder quelque chose, la possibilité de faire quelque chose, ou de maîtriser une chose, ça dépend. Là, en fait, on vous dirait que nous puissions, tu vois, on traduit par esthétar, Et le verbe c'est tamakkana et tamakkano. Par exemple, talib ou tamakkin, c'est un talib qui est expérimenté, qui maîtrise en ce qu'il fait. C'est maîtriser une chose. Ça dépend d'un point, ça peut être ça. Mais là, c'est pas maîtriser le voyage qu'ils veulent. C'est pouvoir voyager en fait. C'est comme ça vient de amkana mumkin, qui veut dire possible. C'est le même ensuite. C'est-à-dire c'est le même ensuite. Tradition. Farnarkab ke nasila kabl sa'ati rabi'a. Que nous montions ou nous embarquions afin que nous arrivions avant 4 heures. Sabi'an. Falanem ke najid aroha. Que nous dormions afin que nous trouvions du repos. Ou afin de trouver du repos. Thamidan. Fanadrus kay nata'allam qira'at al-Qur'an, que nous étudions afin de pouvoir apprendre la lecture du Coran, afin que nous puissions apprendre la lecture du Coran. Tasian, fanatawadda kay nusalli, que nous fassions nos dos afin de pouvoir faire la salat, que nous puissions faire salat. Ashiran, fanubakkir kay nasma'a al-khutba, que nous arrivions tôt afin que nous puissions entendre la khutba. On peut dire que Kay est plus fait pour après un verbe, alors que Li. Il rentre dans les deux. Kay, j'ai un mot, mais j'ai vu que dans. Sur le Afan, je n'ai pas vu sur le Asma. طيب رابعا ان الفراغات لوضع الفعل المضارع المناسب مما بين قوسين. Donc, remplir les trous avec le verbe au présent qui correspond, on se fait entre parenthèses. Nakul, nous mangeons. Nastakbil, nous recevons. Natamakken, là ça dépend, c'est où nous puissions. Nous alij, nous soignons, ouais. Nous shahid, nous contemplons, nous regardons. Narkab, nous montons, nous embarquons. Nakra, nous lisons. Nastafid, nous profitons. Nous sollim, nous faisons la salat. Nastaid, nous préparons. C'est les phrases. Al-Ula, fanastaid kay fara asalat fi mu'idiha. Donc que nous préparions afin que le trou, la salat, en son temps. La mu'id, à la base, c'est un rendez-vous. Et ce qui veut dire par là, c'est le temps de la salat. Fa'alien, fa'l-nastami' kay fara minadars. Que nous écoutions afin que le trou du cours. Fa'alifan, fa'l-nasil mubakirin kay fara shi'an al-Qur'an. Que nous arrivions tôt afin de trouver quelque chose du Coran. Rabi'an, falnatatayyib kay fara is-salat al-jumu'a, que nous parfumions afin de trouver la salat du jumu'a. Khamisan, falna'mal al-fahs kay trouver al-marad, que nous fassions un examen afin de trouver le malade ou la maladie plutôt. Sadisan, فلنذهب إلى الملعب كي فراء اللاعبين. ألا متين أدريب؟ متين أدريب هنا؟ أيوة. Que nous allions au terrain afin que nous frappions les joueurs. Alors ceux qui sont en short, qui sont rasés en short et qui sont passés à tout à l'heure. أيوة. كي ندريب اللاعبين. Voilà, on dit comme ça. Attention, là je vise des joueurs particuliers, hein. C'est pas tout ça qui joue au foot, je pense celui qui est en short. Yeah. Vous voyez, ça, ça là tu es en train de dire, ouais, attends, il y a un penalty ou je sais pas quoi, je parle de ça là, tu vois. Sabi'an, falnatawajjah il est le motor kay fara azayir. Que nous dirigeons à l'aéroport afin de trouver le visiteur. Thaminan, falnatroul al-mat'am kay fara al-ta'am. Que nous rentrions dans le restaurant afin de trouver la nourriture ou le manger. Tassian, fannusri' kay fara al-hafila, que nous dépêchions afin de trouver le bus ou le car. Ashiran, fannarjiz kay fara nisafa, que nous réservions afin de trouver le voyage. Beaucoup de phrases ressemblent à celles d'avant. Beaucoup de phrases sont les mêmes que celles du Istamir ou Raddit d'avant. Rappelle-moi des autres, quand on rentre qu'un dans une phrase où il y a un verbe moudra lire dedans, ça amène à quel temps en français? L'imparfait. Non. كما سيأتي الآن. خامسا استمعوا وردد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدين. لوجيل سي النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدين. هذا لوجيل لا قاز. Et كان on l'a rajouté pour changer le temps. Donc là, à la base, c'est le prophète Mohammed sallam aime le parfum. Et on met kana, ça veut dire aimer le parfum. On va traduire en imparfait, une chose qui a l'habitude de faire, qui est accoutumée. Une question, on aurait pu mettre. Tu vois, parce que moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est le placement, tu vois, des mots. Kana. Moi, est-ce qu'on aurait pu dire Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kana, il fait des petits. Non, tu peux le mettre, tu peux le dire comme ça. Tu peux le dire comme ça aussi. Le sens sera le même. Et tib, ça parle de Messine aussi. C'est tib. Messine. Tant et ba, shadda, il n'y a pas de dire. ثانيا كان محمود يقرأ الكتاب محمود disait le livre à la base c'est محمود يقرأ le kitab à la base on a montré un khabar et كان il rentre dessus طيب محمود là c'est quoi son irabi Daoud comment on l'appelle comment on l'appelle ism kana non et le khabar on appelle khabar kana et le khabar kana il est comme le khabar mubtada ça peut être un ism tout seul. Ça peut être un jar en majour, ça peut être un zor, ça peut être une jouma fi'liya ou une jouma ismiya. C'est la même chose. Donc on l'appelle khabar kiana. Et là, dans cet exemple, khabar kiana, jouma fi'liya. C'est une verbe, une phrase verbale. Et le cas, quand ça commence par kiana, c'est une phrase verbale. Pas forcément. Kiana mahmoudun qa'iman. Mahmoud était debout. Là, c'est pas une phrase verbale. Qa'iman, c'est un ism mufrad là. La phrase en elle-même, ouais. Lui parle du khabar, je pense, non? Non, je parle de la phrase. Ah ouais, si Kana est en dehors, c'est dans les jumelles Fialia. Non. Fadis al-Kana Yunus est un awalu al-Jubun ou al-Bayd. Donc Yunus mangeait du fromage et de l'œuf. Et l'œuf plutôt. Le fromage et l'œuf. Jubun, c'est le fromage, al-Bayd, c'est l'œuf. رابعا كان الطفل يحب الحليب l'enfant ou le petit aimait le lait خامسا كانت الحافلة تسرع في الطريق voyez le bus allait vite sur la route et la ta on a mis ta tanis parce que حافلة le مؤنث on est même avec le verbe maintenant comme on a dit le اسم المرفوع qui vient après كان c'est pas un فاعل. C'est Ism Kana, il s'appelle. Attention à ça. Sadisan, Kana Salimun Yaskunu Fil Funduk. Donc Salim habitait dans l'hôtel. Sabi'an, Kana Talibu Yubakiru Fil Khudur. Donc l'étudiant, vous voyez, arrivait tôt en fait. C'est en fait, il faisait tôt dans l'arrivée, mais nous on va dire en français arrivait tôt. C'est Mazan de Hadari Ahdulu. Se présenter, être présent. ثامنا كان الطبيب يفحص المريض donc le médecin examinait le malade ou sculptait le malade تاسعا كان المؤذن ينادي للجمعة donc le مؤذن faisait l'appel pour الجمعة عاشرا كان محمود يصلي في حجرته محمود لا يهديك à part s'il était malade et qu'il n'excuse محمود faisait la salat dans sa chambre ou alors تفن ناشيلا Salam Nafila, ah ben Arsène. Mais vu le texte qu'il y avait avant, je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'au début, dans le texte d'avant, il ne parle pas de Nafila. Il parle de Salah. De Klakan. C'est Jumoa en plus. Ah, c'est pas Jumoa là, c'est le genre. Ouais, mais. Dans la khutbah de chez lui, il écoute. Je suis l'imam chez moi. Hadi Asha, Kana Khalidun, Yuazi. Youaddi à fond, mais ça tu as dit. Youaddi avec un zèle, c'est faire du mal. Et youaddi, c'est le verbe de adda youaddi. On avait pris le mot adda, qui veut dire quoi? Adda. Accomplissement. Accomplissement. C'est l'origine de ce verbe-là. Kana Khalidou youaddi tahiyat al-masjid. Donc Khalid faisait les deux rakats en fait de tahiyat al-masjid. Le salut de la mosquée. طيب سادسا لا فرق في فرق في أبليكي اسمه اللي يلا أدى حمزة دل مشددة مشددة إيه عنيف مكسورة comme Moussa. Donc Saint-Lysène maintenant, il va vouloir que vous fassiez. On va faire ensemble, monsieur. Ça, en fait, c'est appliqué sur le miral. Kana. Yaqul. Ajib, kana fil namouz, Ajib. Réponds comme dans l'exemple. Kana al-Nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, yuhibbu at-tayyib. Donc le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aimait le parfum. Al-Muslimu, entre parenthèses. On dit kana al-Muslimu, yuhibbu at-tayyib. Donc à la place de Nabi, on a mis al-Muslimu. C'est un peu le fort là, dans l'ordre. On a tout mélangé là. Toi, tu fais une phrase avec le 1 et le 2 ensemble. Qui? Toi. Avec le Walad. Walad? Naam. Kana al-waladu yata'allamu al-qira'a. Naam. Kana al-waladu yata'allamu al-qira'a. Toi, yata'allamu al-qira'a. C'est pareil, toi, sauf que à la place de Kira'a, tu mets Kitaba, et à la place de Walad, tu mets Rajul. Ça te donne. Tu mets le verbe ? Non, mais moi, je comprends pas tout ce qu'on fait là. On fait comment, là ? C'est désordonné comme ils l'ont fait. Donc moi, je te donne les mots à mettre. Après, toi, tu fais, toi, c'est à toi d'ordonner la phrase, comme dans l'exemple en haut, on l'a énoncé. Là, j'ai dit, ta'allam. Et à la place de Kira'a, tu mets Kitab. Kana rajulu yata'allam. نعم يتعلم الكتابة أيوة رجل سيدون فو أنتي عمو لين كان الرجل ولد أنا فلا لا كان رجل يعرف السباحة سباحة في الناتشون الناج إتوى الدانية كان الولد لا سي با صد كان الولد يفضل الحليب نعم طيب ما في ما كيف هنا نو في شو لك ينوم على فوت في سؤال Ah, ça, on a pris le lauda, on a pris le lauda, on a pris le lauda.